J'entends des cloches au loin. Chrissy, tu vas bien? Dis, tu les entends pas? Ah non, j'entends vraiment rien, non? Ne sens-tu pas mon cœur qui bat la chamade? Tout ça parce qu'il m'a frôlé. Il m'a dévisagé, puis il m'a heurté. Mon cœur bien trop troublé a été brisé. Je me jette à ses pieds. Un petit contact, ma vie est en vrac car il m'a poussé. Je n'osais plus bouger, il m'a cogné. Comme pour me réveiller, mon cœur blessé. C'est bien lui qui m'a cherché. Un petit choc, c'est l'amour qui toque. J'entends les cloches loin, j'en perds la tête. J'entends les cloches loin, je suis sa fée clochette. Tout le monde me dit, quand on est une fille comme ça, un mec comme lui est trop bien pour moi. J'entends les cloches loin, du soir au matin. J'entends les cloches loin, il fait si chaud soudain. Cette fois le garçon que écoute, entend les cloches au loin. D'abord il me donne rendez-vous chez moi. Ensuite pimpante je me maquille partout. Et puis viendra le premier baiser. Non pas jusqu'au bout, mais quand même. Champion poids lourd a gagné son prix. J'entends les cloches loin, mes oreilles bourdonnent. J'entends les cloches loin, mes amis chantent. Partout on me dit qu'un beau gars comme celui-là ne regarde pas une fille comme moi. J'entends les cloches loin. J'entends les cloches au loin. J'entends les cloches.